avec moi, danser, danser. Le temps de te toucher les mains est déjà tout mon corps. On a le diable à combien de jeter. De mes baisers. Et maintenant je sais déjà que pour toujours tu es à moi.